sexy, sexy. Sexy, sexy friends. Sexy, sexy. Sexy, sexy friends. Sexy, sexy. Il s'offre un SMS en guise de prélude, sans complexe. Il s'invite à venir déguster l'amour sans avenir. Bien sûr, dans leurs mains, ils comblent le goût de leur désir. Ils se donnent du plaisir, ils font l'amour pour se divertir. Temps d'une étreinte entre amis, pas un sentiment dans l'univers du jeu des amants. Ivre de folie, ils donnent la vie à leurs envies. Ils font ce qui leur plaît sans même avoir besoin de s'aimer. Entre amis, tes caresses, c'est permis. Allégresse, velouté, fantasmer, s'embrasser, s'étourdir de plaisir, de nos fesses, à nourrir, se donner.